Bonjour, bonsoir, salut Tagazak à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pavé après une longue absence. Le temps de faire une petite pause toilette, disons. Bienvenue dans ce Pavé nouvelle formule, ce Pavé 3.0, mais toujours en compagnie des quatre mêmes Lascars. Donc bonjour à Mathias, Salut à tous. le gendarme parmi les gendarmes. Bonjour à Vico Loco, Bonjour. supporter officiel de notre équipe. Bonjour. Et le Galeron à côté de lui. Et le jeune Bonsoir. Freluquet qui est Bonsoir. Rafou. Bonsoir. Raphaël. Alors les gars, ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas enregistré. Bah ouais, là, putain. Oui. Ah et moi c'est Kawan. Oui, c'est vrai, on oublie toujours. Oui, oui. Mais toujours. C'est le. C'est le premier pavé de 2016, il me semble. Oui. Mathieu. Et c'est le premier depuis la nuit anonyme. Oui. La nuit anonyme. Qui n'a pas suivi? Tout le monde. Oui, la nuit anonyme, c'est donc ce live totalement plagié sur la nuit originale. Donc là, un live de 19h, 17h. 16h. Ouais, bon. Ouais, ou 15, c'est comme tu veux. Voilà, comme vous voulez. Ouais. Voilà, bref, on va pas faire de la pub. Si vous voulez voir, c'est disponible sur notre chaîne PodCloud. Donc voilà. Bref, alors, nouvelle formule implique un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, en fait, on va plagier un podcast qui est le Floodcast de Flaubert. Et on va parler un peu des découvertes ou des trucs qu'on a vus, des petites nouveautés. Alors, qui veut commencer, parler de ce qu'il a vu récemment? Bah moi, c'est tout récent. J'ai vu The Revenant hier, le film de Iñárritu avec DiCaprio. Le Revenant. Et j'aimerais bien en parler. Et justement, ça me plaît que vous ne l'ayez pas vu. Comme ça, je vais pouvoir en parler et juste teaser. On va pouvoir juste faire un peu... Parce que je vais faire vraiment la pub de ce film parce que c'est... Quand vous, par exemple, quand vous allez au cinéma et que vous dites bah, ce film m'a pris au trip, bah là c'est vraiment au sens propre du terme. C'est jamais un. Se dire, il y a un moment, c'est tellement fort que ça t'a fait faire caca. Ouf, ouais, je suis allé aux toilettes pendant la salle quand même. Parce que. Non, c'est. Ça faisait longtemps que j'avais pas fermé les yeux quand je regardais un film, tellement c'était. T'en pouvais plus, tu serres les dents quoi, parce que c'est un serrage de dents. Enfin, c'est trop bien, c'est un western vu différemment et je veux dire que c'est un. C'est totalement bien fait, c'est contemplatif en même temps, il y a beaucoup d'action, le film dure 3 heures, c'est peut-être un reproche que je ferais parce que j'aime pas les gros films comme ça, mais là ça marche totalement, ça m'a fait penser à plein de films de cow-boys, genre plein de films de cow-boys, plein de westerns. Des films de cow-boys, genre Brokeback Mountain. Non, ça m'a fait penser à... Des blagues homophobes. Bah, allez. C'est même pas moi. C'est même pas moi, il se dédouane et tout, c'est pas moi. Ça me fait penser à Jeremiah Johnson, tu sais, genre... À quoi? À Jeremiah Johnson. Avec Robert Redford. Et je suis pas assez expert en western pour... Ah bah, c'est un super film où tu suis la vie d'une personne qui va... qui traverse un peu les montagnes et les saisons. Et bah, c'est un western. C'est... Est-ce qu'il y a des mecs qui ont un revolver? Ouais. Et des chevaux. Ça, c'est un western. Ouais, c'est un western. Du coup, c'est vraiment cool. Lucky Luke de James Hutt. Et western. En fait, c'est vraiment la survie d'un type. Le mot, c'est la survie, quoi. Après, le film que tu... Le mot que tu as envie de faire, c'est... Enfin, le mot que tu as envie de dire et de le crier pendant tout le film. C'est « Je te survivrai ». ».« Je te survivrai », exactement. Du coup, c'est une bonne adaptation de Man vs Wild, c'est ça? C'est même une meilleure adaptation. C'est une adaptation. C'est vraiment c'est une meilleure adaptation qu'Into the Wild, qui est une adaptation ratée de Man vs Wild. Bien joué. Ça part dans tous les sens. C'est trop bien. Mais du coup, ouais, c'est cool parce que bah, tous les acteurs, il y a un trio d'acteurs qui Tom Hardy, DiCaprio et l'autre, c'est un petit rouquin qui était dans le premier épisode de l'épisode 2 de la saison 2 de Black Mirror. C'est un petit rouquin qui est bien sympatoche. Il est à 15 minutes 07 et après il y est plus. Et il y a le mec de Maze Runner du labyrinthe dedans. Avec ses sourcils bizarres là. Ouais, le méchant là, il est trop bien. Il est fou. Il est trop bien du coup, c'est trop cool. Et le film est vraiment, il te prend... Tous les personnages sont bons, toutes les cicatrices sont bien faites et tout, genre ça marche trop bien. Pardon, sur l'échelle Birdman, on va dire, parce que c'était le précédent film de Iñárritu, tu le classerais en dessous ou au-dessus? Ah non, carrément au-dessus. Hein. Au-dessus? Bah moi j'ai pas aimé Birdman parce que j'ai trouvé ça beurbant. Burban. J'ai essayé de faire un jeu de mots, ça a pas marché. N'essaye pas les blagues. J'ai trouvé ça Burban. Non, Barban. Arrête. Barban. Non, c'était long, c'était pas justifié pour moi. C'était un peu trop. C'était un peu trop arty pour moi. Mais là, franchement, ça réconcilie beaucoup de choses. C'est un cinéma que t'as pas l'habitude de voir, alors que c'est de l'action. C'est accès. Enfin, c'est tout le monde peut voir ce film. Et... Bon, sauf les enfants, bien sûr, mais genre, c'est sympa. Et il y a des petits trucs qui sont sympas quand tu sais que. Bon, dans 20 ans, on saura pas que Leonardo DiCaprio voulait l'Oscar à ce moment-là, ou on sait pas s'il voulait, mais enfin, il était en compétition pour l'avoir. Et là, c'est marrant parce que à chaque fois qu'il fait quelque chose de ouf, parce que c'est ça, hein, c'est. À chaque fois, il fait quelque chose d'assez ouf. Tu sens qu'il dit vas-y, je me donne à fond pour l'avoir, il faut que je l'aie, tu vois. Du coup, c'est marrant. Et là, Iñárritu, il est reparti pour l'Oscar. Là, c'est sûr, il va encore faire. Non, Team George Miller. Non, mais je dis pas. Non, mais je choisis aucun camp. Je dis est-ce que Iñárritu, là, il va encore faire un petit trio de tête ouais. Est-ce qu'il va faire la doublette bah, en fait, il arrive à vraiment faire un film avec des plans très contemplatifs, avec une action qui est bien menée, un choix d'image qui est totalement justifié et inhabituel. Oui, parti pris particulier aussi. Ouais, genre, tu vois. Filmé qu'à les lumières naturelles. Ouais, tu vois, il y a que ça. Il y a aussi de sorte de. C'est plein de plans de séquences, en fait, le film. Ouais, c'est aussi. C'est comme Birdman, mais c'est ouais, plus. C'est des mouvements de caméra que t'as pas l'habitude de voir au cinéma. C'est très bizarre. Du coup, c'est des retournées, c'est des. La grue, elle va dans tous les sens. J'ai juste vu. J'ai pas vu l'abondance, parce que je voulais pas me spoiler, mais j'ai juste vu un plan où. C'est sur une scène de bataille, mais je sais pas où ça se situe dans le film, mais au début on est à pied, tu vois, et après ça avance et la caméra elle se dirige sur un des chevaux et ça tourne autour du cheval ouais, et tout, c'est et ça, il y a plein de mouvements bizarres comme ça. Bah, et donc... ouais, ça m'a hypé de ouf. Ce que j'aime bien, c'est que les bandes annonces, quand je les ai revues après le film, bah, j'ai remarqué qu'elles citaient que le début du film, il y a rien. Enfin, c'est l'abondance ne montre que la première séquence et ça c'est super cool. Bah moi je l'ai malheureusement vu à cause de ce connard de player de Canal+. Ouais. Qui m'a mis. Non mais franchement il y a rien. Il y a cette séquence avec l'ours qui est. Enfin, tout le monde en parle mais elle est géniale cette séquence. Enfin vraiment à voir et bah, de toute façon si vous l'avez vu je vous conseille vraiment de vous documenter là-dessus parce qu'il y a plein de choses qui sont inhabituelles par rapport à d'autres films de cow-boys et tournés même en montagne et c'est avec des films de cow-boys. Avec des films de cow-boys. Ouais. Des films de cow-boys. Moi je dis des films de cow-boys. OK. Genre Panic au village, c'est un film de cow-boy. Mais non, c'est un film de gendarme. Non, gendarme à toi, là. Transition. Allez. moi je vais pas vous parler d'un film mais je vais vous parler d'une série que j'ai regardé dans le train en revenant. Donc, non, en revenant, c'était Victor. Oui, non, mais... Donc, en revenant, j'avais 5h30 de train, du coup, je me suis dit... En revenant, en fait, c'était oui, Victor. Bon, c'était la critique de Victor, tu vois. Donc, arrête. En revenant... Arrête, Mathias. Alors non, parce qu'en fait, ça, c'est la... Arrête. Non, hein, c'est... En retournant ici, j'ai regardé une série, la nouvelle série d'Arte, la nouvelle dystopie d'Arte, qui est très pallium. C'est une série... Très pallium, ça veut dire quoi, pallium? C'est pas le truc latin de travail ou je sais pas quoi. Si, c'est le latin de travail. Ouais. Allez, tu vois. Là, je suis intelligent. Du coup, c'est une série de. Très pallium. Ouais, c'est une mini-série. Très, très pallium. Putain, ils sont chiants. Ah, il va saboter ton truc comme d'habitude. C'est une mini-série de 6 épisodes à peu près et qui est une dystopie sur tout ce qui est problème du chômage, etc. Donc, il y a deux camps qui sont séparés par un mur. Ça fait un peu. En rapport avec le mur de Berlin. Enfin, ah, je pense à Game of Thrones. Ouais, aussi. Et sauf que, enfin, ça fait. Le sniper. Tu sais, ça fait aussi penser un petit peu à Hunger Games sur certains points. Genre, ils mettent tous les pauvres d'un coup avec une armée autour. Non, ça s'appelle la vraie vie, ça, Mathias. pour dire, regardez, on va vous faire un communiqué du gouvernement. Et sauf que ça marche pas parce qu'il y a beaucoup moins de figurants. Et du coup, ça fait un peu cheap. Il y a des décors, ils sont pas mal, franchement. C'est une série française, donc tu te dis, bon, ça va. Ah, c'est français. Ouais, c'est français. C'est, wow. Pas c'est franco-germanique, vu que c'est. Non, c'est français. J'ai envie de placer un petit cocorico. Bah, cocorico, ouais, mais enfin, la série, bon, tu peux la regarder, elle se laisse regarder, mais elle est pas terrible, quoi. En soi, moi, je m'attendais, j'avais vu des articles sur Première comme quoi c'était la révolution de la série française, que c'était génial. Publi rédactionnel, tout ça. Clickbait. Et que ça allait être super. Et du coup, j'ai regardé et j'ai été déçu parce que. Choqué, déçu. Bah, déçu parce que t'as aucun enjeu. T'as la fin, elle est prévisible dès que tu vois le premier épisode. Enfin, t'as plein de trucs comme ça qui marchent pas. Par exemple, t'as les décors, ils sont bien, mais au bout d'un moment, t'as un plan large dans une rue et tu vois sur les côtés payant, enfin écrit payant, tu sais, comme une rue. Bah, tu sais que c'est tourné à Paris, du coup c'est une rue de Paris. Et toi, t'es là, on est à Paris, t'es pas dans un monde futuriste, t'es dans rien du tout, quoi, au final. Du coup, c'est t'as des trucs où quand tu commences à te plonger dans l'épisode, bah t'as toujours un truc pour te ramener en te disant bah non, c'est un film. Il y a des trucs qui te font beaucoup sortir du de l'univers. T'as au moins t'as au moins 2-3 trucs dans chaque épisode qui te font sortir. Donc c'est un peu dommage. Des fois, à un moment, ils vont dans des bus et tu sens que c'est des anciens bus RATP, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Non mais. Enfin, c'est, enfin pour ramener à l'autre pavé qu'on avait fait sur la série et les séries françaises, c'est quand même un bon coup d'essai ou ouais, c'est un truc. Ça marche bien. Si tu veux voir une dystopie, ça marche. Est-ce bien. Est-ce que tu penses que c'est un palier supplémentaire dans la série française? Je pense que un peu plus hype. Je pense que c'est une série qui aurait pu être beaucoup mieux s'ils avaient fait un peu plus gaffe sur certains éléments de mise en scène. Et tu sens que niveau budget, des fois, ça coince un peu. Comme je te disais, des fois, il y a 10 figurants pour faire des gens qui se révoltent. Alors qu'il faut les multiplier. Ouais, enfin, tu vois 10 figurants qui sont en train de lever le poing et t'es là, tu fais bah non, tu sens que hors cadre il n'y a rien quoi. Que la caméra elle est bloquée sur 10 Pékin et que ça va pas aller plus loin. Et, ah bah je croyais que ça se passait à Paris. Bah, non, 10 Pékinois pour les Pékin. Donc voilà, c'est dommage, ça marche une fois sur deux, mais. C'est une série, regardez-la, ça peut être sympa si vous avez du temps à perdre dans un train, par exemple. Eh, ça marche une fois sur deux, c'est quand même mieux que certaines séries françaises. Ouais, qui marchent pas du tout, mais voilà, à voir. D'accord. Faites votre opinion. Voilà. Raphaël. Alors, moi, je vais aussi. Enfin, moi, je vais parler de plus un documentaire, mais c'est pas vraiment un documentaire. Enfin. Je savais pas comment décrire ce truc. Ouais, on va résumer ça à un documentaire. En gros, ça s'intitule Almost the Truth. Et presque la vérité. Voilà, c'est ça. Et c'est un documentaire de 6 heures à peu près sur les Monty Python. Donc ça relate toute la carrière de où ils ont démarré chacun de leur côté jusqu'à ce qu'ils aient fait les comédies musicales, pardon, genre Spamelot, Monty Python, Didier Bourdon, Bernard Campan. Ah voilà, ça. Non, donc les Monty Python, si vous connaissez pas, c'est une troupe. Une troupe de comiques troupiers, on va dire, anglais, qui ont fait des sketchs à la télévision et qui fait des films après, genre Sacré Graal et tout Graal, ça. Sacré Graal, en ou, tête. La vie de Brian. La vie de Brian ou Le sens de la vie, ils en ont fait d'autres. Bref. Et il y a Wikipédia pour ça. Et en fait, c'était pas mal. Enfin, c'est fait par deux mecs. J'ai oublié le nom d'un des deux. C'est Gary quelque chose, je crois. Mais il y en a un, c'est le fils de Terry Jones, donc qui est un des Monty Python. Et en fait, c'est un peu un documentaire qui est un peu définitif sur leur carrière parce qu'ils font plus grand chose maintenant. En fait, le seul truc qui manque, c'est le spectacle qu'ils ont fait en 2012, je crois, à Londres. Et c'est super bien fait parce que c'est les Monty Python, donc ils sont assez libres dans leur manière de dire ce qu'ils veulent dire ou pas. Et ils clashent pas mal de gens. Et on voit comment ils ont fait. Comment ils ont fait leur style d'absurde et tout ça, comment ils ont amené ça à la télévision, ce que ça a créé en fait dans la société, parce que ça a fait un immense fossé en fait l'émission des Monty Python, donc c'est le Flying Circus. Et en fait, les jeunes regardaient et trouvaient ça hilarant, et les vieux non, et ça a créé un immense fossé générationnel cette émission. Et il y a plein de guests qui viennent à côté dire ouais, c'est les Monty Python, c'est vraiment une influence majeure pour moi, machin. Il y a Simon Pegg. Il y a le chanteur de Iron Maiden, je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Il y a Jimmy Fallon aussi, non, mais il y a plein de mecs, et ils parlent tous, à part celui qui est mort. Et ouais, c'est un super documentaire, il est assez facile à trouver sur les internets et en DVD. Et voilà, c'est une bonne. C'est un bon truc si on veut se plonger dans les Monty Python. Fort intéressant. Et toi, Kawan, du coup? Alors moi, j'ai plusieurs trucs. J'ai commencé par une série. Ah, il s'autorise à parler de plusieurs trucs, lui. Bah, vous pouviez parler de plusieurs trucs. Qui veut parler de plusieurs trucs? Moi, après. J'en ai plein. J'ai okay. Plein à dire. Mais si, moi, parce que moi, ça va être concis aussi. Hein, oui, mais ça va être très concis aussi. Moi, je suis circoncis. On a fait 10 minutes sur The Revenant. Le pire, c'est qu'il est vraiment circoncis. Pour ceux qui ont chopé la blague au vent. Spoiler. Oui, alors moi j'ai une petite série, surtout dans son format, c'est 20 minutes par épisode, c'est The Last Man on Earth. Alors, elle a déjà sur Terre. Scaraté Boy, en fait. Non. Non. Il y a déjà deux saisons qui sont sorties. Alors, The Last Man on Earth, ça. Ça raconte l'histoire du dernier homme sur Terre. Voilà, c'est un peu évident. Non. Mais de façon comédie, c'est de Will Forte. Will Forte, je crois qu'il était au SNL, au Saturday Night Live. Une brave petite émission américaine qui fait rire les foyers toutes les semaines. Voilà. Ou tous les samedis soirs. D'ailleurs, que Cyril Hanouna veut faire en France. Oui, les pattes. Bah, on le regardera pas. Voilà. Oui, du coup, The Last Man on Earth, c'est le dernier mec sur Terre. Et du coup, comment raconter The Last Man on Earth sans spoiler? Parce qu'en fait... non, c'est compliqué. Tout ce qu'il faut dire, c'est que c'est très drôle. C'est un humour pas absurde, mais un peu gaguesque. Parfois, c'est intelligent et parfois, c'est vraiment prenant. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a de la philo, mais il y a de l'émotion et tout. Et donc, c'est super sympa à regarder. Ça se regarde très bien. J'ai regardé les deux saisons en deux jours. Donc, c'est vraiment cool. Et du coup, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est un jeu vidéo. C'est que... On va dire clairement, dans ma vie, il y a trois choses. Il y a les cow-boys, il y a les pirates, et il y a Jacques Chirac. Mais on va pas parler de Jacques Chirac, on va parler des pirates. Et du coup, j'ai profité des soldes Steam pour télécharger Assassin's Creed 4 Black Flag. Assassin's Creed. Et ça me prend tout mon temps. Il est bien. Hein. Franchement, j'aime bien. De base, j'aime bien les Assassin's Creed. Malgré tout ce qu'on peut dire que c'est répétitif et tout, c'est vrai. Et que c'est pas fini. Mais. c'est Ubisoft. Ouais, mais après, ça se laisse jouer. Ça se joue très bien. Puis là, t'es un pirate. Quoi. Bateau pirate. Mais je te renvoie sur. Parce que je t'ai fait découvrir un jeu qui est Mountain Blade. Et je te renvoie sur Black Wake. Qui est un jeu en développement en ce moment, qui est un FPS de pirates en fait, et tu vas taper des gens. C'est un peu comme Chevalerie mais avec des pirates. C'est ça. Ouais. Oh, okay. Enfin, c'est entre Chevalerie, Mountain Blade et. Alors, on dirait qu'il dit Mountain, mais c'est Mount and Blade. Des monts et des. Blade, le mec de Marvel. Voilà. Et pour continuer, moi j'ai parlé d'un jeu vidéo aussi. Donc, comment il t'a piqué que fini. J'ai parlé d'un jeu vidéo que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Take on Mars. Et pas confondre avec Take on Me. Oui. Ah, j'avais Life on Mars, moi. Mais... Rest in peace, David Bowie. Rest in peace. Et du coup, c'est un jeu qui a été créé par les studios qui ont créé Arma. Donc la simulation militaire de la vraie vie, que quand tu te prends une balle, bah t'es mort. La vie, le jeu. La vie, le jeu, c'est ça. Et que tout est très difficile dans le jeu. Bah, ils ont créé un jeu où ça commence par le premier drone martien qui a été envoyé par la Terre jusqu'à 2150 quand tu as des colonies. Et c'est une simulation, donc tu peux partir avec ton petit drone en vue avec ta caméra. Donc tu vois que dalle parce que c'est une caméra complètement désaturée en noir et blanc avec des fois des parasites, etc. Et que quand ton petit drone, il s'est pris un caillou dans la roue et que la roue elle est morte, quoi. Tu peux plus revenir, tu peux plus rien faire et t'es bloqué sur ta planète. Et du coup, c'est par mission, c'est chapitré Ouais, c'est par mission. Ok, ouais. Et genre, si tu casses ton drone, T'as échoué ta mission. Genre, t'as échoué. Tu peux pas dire, on va envoyer un autre truc à la place. Par exemple, t'as les missions qui ont déjà été faites. Donc, c'est des missions qui sont. Ouais, tu peux rejouer en. Que tu peux rejouer qui sont. Par exemple, t'as une option, tu peux jouer soit en temps dans le jeu, c'est-à-dire en real time, donc en temps réel. En temps réel, mais dans le jeu, c'est-à-dire que. Ah, c'est comme GTA, ça, une seconde par minute. Ouais, ce genre de truc. Okay. Et par exemple, t'as le temps réel, mais réel, c'est-à-dire que l'heure qu'il fait sur Mars à l'heure actuelle, c'est la même heure que dans ton jeu. Ah, ok. Donc, s'il fait nuit sur Mars, il fera nuit dans le jeu. Putain. Ça prend beaucoup de temps à faire, du coup. Du coup, c'est un peu galère. Et t'as des trucs, par exemple, t'as des missions solo où tu t'envoies un drone et puis tu fais ta petite vie de drone. Vie de drone. Ouais, c'est ça. Celles qui ont déjà été faites par la NASA. Et t'as les missions où tu es un directeur de programme spatial où t'envoies tes drones. Donc, tu les construis, tu mets beaucoup de sous dedans, tu les envoies. Et par exemple, vous le vendez non. Tu l'envoies et si tu le, si par exemple l'atterrissage il est raté, t'as gaspillé autant d'argent pour au final rien. Et du coup, c'est assez. C'est assez c'est cool. Tu te dis, t'as fait 20 missions, t'as gagné plein de thunes, t'envoies ton premier drone et ton drone il s'écrase sur la planète et ben, t'as plus de thunes et puis t'es là et puis tu peux faire recommencer la partie. Voilà, c'est un peu l'injustice, le plus jeu. Plus chiant que ça, plus frustrant que ça, c'est toi quand ta copine a des règles et que t'es hyper en chien. Bah, oh putain. Non, mais c'est un jeu qui est extrêmement frustrant et moi j'aime beaucoup les jeux de simulation. Du coup, ça j'aime beaucoup être frustré. J'aime beaucoup être frustré, donc j'aime bien. Voilà. Suivant. Victor. Ouais. Suivant. Allez-y. Bah, moi je vous parle une dernière fois d'un film que j'ai vu, c'était il y a 2 semaines, c'est Carole. Explique. De Todd Haynes avec Rooney Mara et Kate Blanchett. Là, en ce moment, depuis quelques années, on commence à voir beaucoup de films LGBT, donc lesbiennes, gay, bi, trans. Enfin voilà, gay, trans, bi. L'homophobie naturelle. Mais non, mais c'est faire des jeux de mots. Je m'en fous, en fait, ce que vous voulez. Putain. Et c'est vrai. Et Carole, c'est. Bah, c'est justement un film qui est pas du tout dans ce truc là, c'est carrément une histoire d'amour, c'est totalement fin, c'est pas comme les films récents qu'on a eu avec Danish Girl, tu vois, où c'était totalement pour une cause tout ça. Alors là, c'est juste une histoire d'amour qui est posée dans un univers qui est très très bien fait, très fin, tout est fin, même le format du 4 tiers que je trouve rarement justifié, bah là il l'est parce que c'est un film qui prend place dans les années 50. Et tu sais, dans ce genre de film, les réalisateurs ont souvent la manie de mettre des plans généraux où on voit que c'est les années 50, tu vois, où ils font des plans d'expo, où ils montrent regarder le travail qu'on a fait dessus. Bah là, même pas, tu vois, c'est quand gros plan, c'est parfait. C'est, le 4 tiers, il donne une espèce de... deux choses un peu mystiques à cette relation entre deux femmes. Donc Carole, c'est l'histoire de Carole, donc une personne plutôt aisée, dans un milieu aisé, qui a déjà un mari, une fille, et qui rencontre en achetant un jouet dans un magasin de jouets donc une fille, une femme, une jeune femme, et il va avoir une certaine connexion entre ces deux femmes, et le film... Enfin, il pose la question, bah, et si on tombe amoureux comme ça, d'un coup, d'une personne qu'on vient de rencontrer, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'on s'oppose à ça ? Et c'est juste le chemin entre vas-y, on peut tester quand même, c'est quoi ? Je veux juste passer du bon temps avec une personne que je me sens bien avec, et ça donne une histoire d'amour qui est totalement vraie. L'image est très maîtrisée. Kate Blanchett et Rooney Mara, qui sont pas des actrices dans mon cœur, bah maintenant elles le sont, parce que genre c'est vraiment juste, parce que c'est tout est fin dans le film, et enfin pour moi c'est un grand film qui a pas du tout été vu, pas du tout été il a été mal distribué, non, bah oui aussi, et genre il passe vraiment que dans les cinémas d'art et d'essai, ou à l'UGC il est resté peut-être 2 semaines max, tu vois, et genre c'est vraiment un de mes coups de cœur, parce que c'est justement ce qui fait l'aparté. C'est un peu un gros stop à tous ces films LGBT où on assume non, gay c'est bien. Bah là non, justement c'est juste une histoire d'amour, et c'est tout ce qu'on retient. C'est pas c'est pas militant. C'est pas militant pour rage de crâne, tu vois, c'est juste je vois ce qu'il veut dire, c'est bien. En plus c'est dans l'acceptation et dans l'acceptation de cette cause. C'est à partir du moment où on arrêtera de militer pour ça et que ça deviendra naturel, c'est là où ça sera le plus propre. Et là, c'est naturel, on arrive à cette époque-là. Et ça serait bien qu'on ait de plus en plus de films qui arrêtent de vouloir militer. C'est quelque chose de bien de militer, mais de montrer que c'est normal. Et pas de dire qu'il faut se battre pour ça, mais de dire mais c'est normal, c'est comme ça. C'est tout, on n'a pas à dire il faut être comme ça, on dit c'est comme ça, c'est la vie, c'est mais tout. Mais c'est vraiment un film qui parle des différences d'une manière très, très normale, en fait. Ouais. Je vois par exemple, on aura beaucoup de sujets de différence avec les religions, les... Plus ou moins normal que le président. quoi plus normal que François Hollande. Ah d'accord. S'il est encore président quand vous écoutez ce podcast, mais... Ouais. Il peut se passer des choses, tu vois, comme dans South Card, tu vois, il peut démissionner, enfin, on va avoir des trucs. Enfin bref. Non, là, c'est vraiment fin, et je vous conseille vraiment de le voir si vous... Moi, j'ai vraiment marre, j'en ai ma claque de tous ces films sur les gays militants disant ouais, ah les... regardez il y a une cause à défendre. Ouais, les films moralisateurs quoi. Enfin... Bah là ça y est enfin on a cette chose fin. Ouais, il crée une normalité dans et putain, chose qui est bien. Qu'est-ce que le film, ça fait longtemps. Moi j'aime beaucoup les histoires d'amour au cinéma. Pendant longtemps on m'avait conseillé un film que je voulais vraiment pas voir parce que je pensais que c'était un film de filles, tout ça, et quand j'ai vu 500 jours ensemble pour la première fois, et oui, mes très chers compères, je l'ai vu. Et, ouais, et le film de déprime de beaucoup de monde autour de cette table. non, c'est. Bah là, c'est très fin, c'est une histoire plutôt vraie quand on le regarde, et ouais, je vais arrêter de dire les mêmes choses, mais voilà, je pense que c'est un film à voir. Et comme film qui, pareil, montre la normalité, et arrête d'être moralisateur, on peut tout dire sur ce film, mais il y a La Vie d'Adèle aussi qui était comme ça. Ouais, clairement. Il était chiant. Ah non, parce que j'ai pas dit le contraire. Hein. Moi, je n'ai pas du tout aimé ce film. Ah ça non, m'a gonflé, mais d'une force. Calme-toi, Mathias. Je suis pas là pour dire si vous avez aimé ou vous avez pas aimé, mais c'est pour dire. Oui, c'est vrai que le propos il est le même parce que Adèle, c'est une ogre qui croque la vie quand elle mange ses spaghettis, elle s'en fout plein la gueule, tu vois. Genre, c'est plus une histoire d'amour. Il y a rien qui est militant dedans de toute façon. À aucun moment on nous dit. Une scène peut-être. Ouais, peut-être une, mais genre. Dans une manifestation, mais je sais même pas si c'est pour les droits. Si, bah j'y étais d'ailleurs à cette scène. C'était à la Gay Pride de Lille de 2013 et j'y étais. Je suis dans le plan de. Il y a un plan général au moins, je suis dedans. Du coup, on a vous aussi, essayez de trouver Victor dans La Vie d'Adèle, envoyez des captures. Je suis sur le devant du char si vous avez que ça à faire. Voilà, si vous voulez me reconnaître, je suis là, je suis dans le film. C'est toi qui portes tes petits strings roses ou pas? Non, c'est quelqu'un qui me porte parce que je suis sur les épaules de quelqu'un. Et je suis habillé en femme, du coup voilà. Et du coup voilà, Carole, Todd Haynes avec Rooney Mara et Kate Blanchett, et c'est tout ce que je terminerai. D'accord. Très bien. Bah moi je vais boucler la boucle en équilibrant avec mes chers comparses. Je vais parler d'un jeu aussi dont j'ai fait l'acquisition il y a 2 semaines, je crois. C'est Borderlands 2. Donc c'est la suite de Borderlands, premier du nom. Quoi? Non, mais j'attends de voir ce que tu dis sur ce jeu. C'était... Alors, bon, j'ai dû jouer, je sais pas, 5 heures même pas. J'ai essayé d'avancer l'histoire principale maximum. Donc Borderlands, c'est un RPG FPS. De Gearbox, donc c'est-à-dire que c'est dans un monde post-apocalyptique inspiré de Mad Max, Metal Hurlant, ce genre de truc un peu punk et Fallout, ouais, si tu veux, Fallout. Et en fait, on incarne un perso, donc c'est très RPG, c'est-à-dire que quand on tue des mecs, on gagne de l'XP, on fait des quêtes, on a du loot, des coups critiques, tout ouais, ça. Ouais, tout ça, on vend du staff, ce genre de trucs. Alors les premiers j'avais bien aimé parce que en fait c'était un RPG pardon, mais il y avait souvent ce truc frais de faire du FPS en fait, c'est-à-dire que enfin je crois il est sorti en 2009 le premier. Ouais, c'est Zola, 2008-2009, ouais, je pense. Et c'était la grande mode de Call of Duty, tout ça. Et moi, j'ai envie de faire un truc plus sur la longueur, avec une vraie histoire et tout. Et moi, j'avais bien kiffé, j'avais fait avec les DLC et tout ça. Et j'avais bien aimé le premier. Même le délire avec les véhicules, tout ça, c'était bien marrant. Mm-hmm. Et même l'univers me plaisait et tout. Je sais que le cel shading, donc cet effet BD sur les textures, ça déplaît. Oui, enfin. C'est un truc à aimer ou pas. Je sais du coup, le deuxième, tu l'as trouvé comment? En gros, il a été beaucoup récompensé, le deuxième. Ouais, il a eu beaucoup de Il a été le jeu de l'année par je ne sais plus. En France. Quoi? Jeuxvideo.com. Ouais, non, mais il a eu vraiment un prix et tout. Il a eu le même prix que Red Dead Redemption à sa sortie avait eu, et là, ouais, il a eu aussi 3, le même prix. Crois, comme ça. Du coup, ouais, vas-y, il faut que tu. Parce que moi, j'ai vraiment bien parlé. J'aimais bien le délire, tu sais, on est dans le désert et tout, tout ça. Mais là, en fait, le premier, on voyait pas les défauts, parce qu'il y a pas mal de défauts. Tu vois, le fait que le jeu soit découpé en zones et tout ça, c'est du faux monde ouvert que t'as l'impression que tu peux aller où tu veux, mais en fait c'est des certaines zones qui sont comme tous les mondes ouverts en fait. Sinon. Ouais, non mais genre Just Cause, tu vois, tu peux te balader partout dans la map. Là c'est, tu peux pas te balader partout, t'es obligé de passer par des checkpoints et tout ça. Et ça m'a, enfin, on le voyait pas dans le premier, tu vois, parce que c'était quand même assez grand. Et là, putain, pour le faire des quêtes, tu vois, tu dois passer d'un truc à un autre. Enfin, tu dois faire 3 ou 4 zones comme ça. Alors, c'est marrant, tu vois, tu fais des XP, tu butes 2-3 gars et tout. Mais, enfin, c'est... Je sais pas, je le trouve... En fait, ils ont voulu faire plus long, et plus, la carte plus grande, mais il est plus... Répétitif. Ouais, il est super répétitif. Et même, enfin, au début, tu patoches vraiment, tu vois, t'as les armes, elles galèrent à sortir et tout. Tu galères à te faire un vrai stuff. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un peu comme si dans Skyrim on virait le voyage rapide. Ah, tu peux faire le voyage rapide, mais c'est super long. Et les décors comparés au premier, là on est dans la neige et tout ça. Et au début. Enfin, moi j'ai pas trop aimé, tu vois, ce décor de neige, et il y a plein de trucs qui vont pas. Genre, il y a un moment. Bon, je vais faire un exemple super précis, mais pour pointer un défaut, mais. Il y a une mission, en fait, où on doit s'infiltrer dans un camp d'ennemis et on doit s'infiltrer avec la bagnole du gang. Et donc, du coup, ils ouvrent un espèce de barrière, sauf que tu peux pas rentrer avec la voiture dans le camp. Donc, du coup, tu vois, ça sert à quoi de faire, d'avoir cette voiture-là si tu peux pas rentrer. Mais il y a plein de trucs illogiques comme ça. Enfin, je sais pas. Et même, il y a moins ce délire... Ouais, un peu série B, second degré et tout, là c'est... Enfin, c'est lourd, là. Ouais, là c'est vraiment lourdingue, parce qu'avant il y avait un perso... Enfin, il y a deux persos cultes, on va dire, dans Borderlands, c'est le Sadix, donc c'est le mec avec son masque qui est sur la jaquette, et le Claptrap, c'est le petit robot en forme de trapèze, là. Il est très lourd. Quoi ? Vas-y, je vais Et dans le premier, il était relou, tu vois, mais il était pas tout le temps dans l'aventure, donc quand tu le voyais, c'était que à certains endroits, et tu disais, ouais, il est là et tout, c'est marrant, machin. Mais là, je sais pas, en fait, l'humour de Claptrap, qui a un humour relou, répétitif, hein, il a un humour super chiant, et là, ils l'ont appliqué à tous les persos, et putain, enfin, t'apprécies pas l'histoire, quoi, c'est super relou, et il y a des bugs, genre, enfin, je sais que le jeu, il a frisé plusieurs fois quand j'ai joué, quand il y avait plein d'ennemis dans la map et tout. Enfin, je sais pas, je le trouve optimisé. Ouais, optimisé comparé au premier. Et... Ouais, enfin, c'est un bon jeu, tu vois, mais il a quand même des gros défauts qui sont plus visibles que dans le premier, je dirais. Alors, moi, je trouve que. Bah, déjà, le premier, moi, je l'avais bien aimé parce que j'étais petit, tu vois, et j'aimais bien un peu parce que je le trouve un peu comme le jeu qui fait transition entre les jeux plus ou moins sérieux avec les jeux que t'avais pour enfants parce qu'il y a une histoire où bah t'as le voix d'une femme qui te veut que du bien qui s'appelle l'oracle ou je sais plus quoi. Enfin tu vois, tu choisis ton personnage, c'est barré, c'est un peu l'humour un peu pour les enfants, tu vois, le premier. Du coup, ça, je trouve qu'il fait très bien la passerelle entre les jeux plus gros, très sérieux, un peu plus rock. Et là le 2 par contre, c'est vraiment, il était beaucoup trop, comme tu dis, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, et notamment ce que tu dis avec l'humour de tous les personnages, tout le monde était de trop, genre tous les personnages étaient de trop, genre c'est des personnages beaucoup trop mis en scène, c'est genre je suis le méchant, ils arrivent tous comme ça. En fait, c'est comparé au premier, tu vois, c'était marrant, mais c'était plus subtil. Là, alors je vais dire dingue, là je vais dire un truc, vous êtes prêts? Mais franchement, attends. Tu t'apprêtes à mettre les pieds dans le plat. Tu verras. Ou à jeter un pavé dans la main. Ouais, un peu. Non, mais je vais dire un mot qu'on n'a pas commencé à dire et qu'on va devoir expliquer après. Mais je trouve que l'humour des personnages, il est un peu saucisse. Ah putain, c'est vrai qu'il faut expliquer saucisse. Alors, saucisse, c'est... Mais dis-donc, c'est quoi donc saucisse ? Bah, saucisse, c'est une expression qui est utilisée dans un autre podcast qu'on a piqué. En fait, ce podcast, on l'a piqué à tout le monde. On l'a piqué à tout le monde. Ouais. En fait, j'avais pas. En fait, et savoureux, c'est une bande de plagieurs. Ouais, c'est clair. Mais non, c'est dans le podcast de. Donc sur Comics Blog, tout ça, Sci Fantasy et 9e Art, où en fait, ils font un podcast sur l'actu BD, tout ça, super-héros. Et ils utilisent fréquemment le mot saucisse. Et donc, c'est pour dire que c'est un peu. Enfin, c'est un peu America Fucky, quoi. C'est un peu lourdingue. Enfin, un peu beauf. Ouais, peu beauf, voilà. Américain, ouais. Lourdingue. Ouais, beauf. Genre, est-ce que c'est un peu est-ce que c'est un peu Vin Diesel dans Fast and Furious? Ouais, en fait, genre, ils en font vraiment des caisses. Parce qu'avant, ils en faisaient des caisses, tu vois, mais c'était subtil. Il y a une subtilité dans le fait de faire des caisses ou pas. Plus rien, et là, là, c'est vraiment. Il y a trop de... Non, mais il y a trop de magie. Y a trop... C'est faire des caisses pour faire des caisses. Ouais. Je pense qu'on devrait arrêter d'en parler comme ça. Mais il est... franchement, il est bien fait en coop. C'est un super jeu de coop, je trouve, Borderlands, en local ou, ou sur l'internet. Mais non, il y a quand même des gros défauts. Joue au premier. Prendre Fallout, quoi. Vous faites-vous un avis, je crois qu'il y a la démo, bref. Bref. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Après cette intro. Cette intro d'une demi-heure. Cette première partie, on l'appelle ça. On va parler à la deuxième partie, du coup, qui concernera le quatrième mur. Alors dans l'émission, en fait, on a fait les petites reviews là, qu'on fait au début. Et après, on va faire un gros... Bah, comme on faisait pour les pavés précédents, on va faire un petit sujet... on va débattre tous ensemble dans la joie et l'allégresse autour d'un thème. Alors, soit par rapport à un truc qu'il y a dans l'actualité ou pas, là, on a choisi le quatrième mur. Donc, on va définir tout ça. Vous inquiétez pas, dites pas « Hey, c'est quoi ?» On va vous expliquer tout ça. Merci, merci. Petit truc. Voilà ce « Hey, c'est quoi ?» qui est le spectateur. Qui est la voix du spectateur ou du Kidam. Du Kidam, voilà. Du Kidam. Le vrai. Bah, moi, j'aimerais bien qu'un jour, on rencontre une personne qui est cette voix, la voix du Kidam, qui soit le Kidam numéro 1 qui ne s'exprime que comme ça. Il dit « Bonjour, comment ça va ?» Tout le temps, s'exprime comme ça. Il a vraiment cette voix. Ou alors le « Oui, bonjour !» Le mec de... toutes ces voix que tous les gens par-delà la Terre utilisent pour exprimer la voix du Kidam moyen. Je rêve qu'un jour, une personne ait cette voix-là et se présente comme ça. Oui, salut, moi c'est Robert. C'est un peu comme quand tu commences une engueulade et que tu commences toujours par... Quand tu la racontes, tu fais « Ouais, alors il m'a dit ça, et donc, tu vois ?» Tu commences toujours par le mot « Ouais ». Je vois pas, j'ai pas compris, je comprends rien. Non, mais... Bah, tu es expert en embrouille. Quand tu racontes une engueulade, ouais. Tu vois, tu fais... Ouais, ouais, donc il m'a dit ça. Ouais, tout. Tu vois, tu commences toujours par ce bout de phrase. Et du coup, voilà. Ça vient qu'il y a un mec qui est vraiment cette voix-là. La voix du Kidam. Qui commence par en disant ouais. Donc si toi qui nous écoutes à la voix du Kidam, bah, appelle-nous. Tu es invité. Tu es invité. Tu es un invité d'honneur. t'as ton verre, il t'attend. Mais ouais, donc du coup, j'en étais où ? Ouais, le quatrième mur. C'est quoi le quatrième mur ? Donc par rapport à ça, parce que le film tant attendu des internets est sorti. À propos du film, à propos du personnage la piscine morte de type Deadpool. Donc, est-ce que je suis le seul à l'avoir vu autour de la table, payé de l'argent pour l'avoir pas envie. Alors, ouais, t'es le seul à l'avoir vu. Je vais faire ma petite critique. Alors moi, je veux le voir. Moi, je vais aller vite. Ma petite critique rapide. Alors, Deadpool, il aurait pu être bien s'il était sorti il y a 5 ans. parce que il aurait pu. Tu vois, il était ça. Il était pas loin. Il était à 5 ans. Il était à ça. Mais ça fait combien de temps qu'il est en production aussi 10 ans. non, en vrai, ça fait 10 ans. Non, mais que... ça fait 10 ans qu'ils galèrent à le sortir. Non. Si. En fait, la Fox, ils ont un perso bien qu'ils pouvaient utiliser dans leur univers. Alors, on va refaire les super-héros parce qu'on comprend rien. Alors, Warner à DC. Est-ce que quelqu'un, vraiment, la voix du Kidam. Appelez-nous au 3015. Alors, Warner Bros. Les Warner Brothers, ils ont l'univers DC, donc Batman, Superman, la Ligue des Justiciers, tout ça. Il y a Marvel Studios qui sont avec Disney et un peu en interne. Enfin, ils font un peu comme ils veulent. Donc là, c'est Marvel. Mais il y a une nuance. C'est-à-dire que. Lorsque Marvel Studios s'est formé, ils avaient déjà commencé à vendre certains persos à d'autres studios. Donc, par exemple, Universal à Hulk, ils ont que Hulk. C'est-à-dire qu'ils veulent pas le donner. Genre, mais bref, on va pas s'étendre sur ce sujet. Attends, je veux juste. Si c'est pour parler de Flash et Arrow, faut aller vite, Mathias. Non, c'est juste, c'est juste pour parler de Hulk, mais dans Avengers, c'est que Marvel. Oui, mais ils ont le droit d'utiliser parce qu'il est avec d'autres personnages. En fait, il y a une clause dans le contrat parce que Hulk, quand ils l'ont acheté Universal, il n'y avait pas prévu de film de groupe. Ah, donc, les avocats de chez Marvel, ils ont fait « Allez, tout, on peut l'utiliser dans un film de groupe, c'est pas écrit. » Donc, voilà. Et donc, c'est tous les Avengers qu'on a pour l'instant. Et en fait, il y a la Fox, donc la 20th Century Fox, géré par ce bougre, ce fifré brug de Simon Kinberg, donc eux ils ont les X-Men, donc Wolverine, aussi appelé Wolverin, Mais enfin, qu'est-ce que t'as fait? Et donc les X-Men, Tornade, Wolverine, Jean Grey, tout ça. Les mecs un peu relous de chez Marvel, quoi. Et les 4 Fantastiques. Et les 4. Ouais, mais bon, voilà quoi. Inutile de remuer le coup de poing. Ouais, franchement, j'attendais une blague dans Deadpool, je l'ai pas eu, la blague sur les 4 Fantastiques. Déçu, déception. Les 4 Fantastiques. Même pas. Franchement. Faut pas en parler, je pense que c'est mieux. Non, c'est mieux. Même si j'accroche l'affiche comme un gros troll chez moi, parce que je trouve ça drôle, mais on s'en bat les couilles. Et du coup, Deadpool, en fait, c'est un perso marrant parce que il est apparu dans les années 90 et qu'il est attaché aux X-Men, donc il est à la Fox. Et il était déjà apparu au cinéma sous les traits de Ryan Reynolds dans ce magnifique film qui est X-Men Origins Wolverine. J'adore ce film. Mais t'as aucun goût, Victor. C'était gratuit. La gentillesse. Ah merde, Mathias. Il y a quand même un Black Eyed Peas dans le film. Il y a Will.i.am dedans. On a fait en interne avec Raphaël et Kawan le top 100 des films ou je sais plus quoi. Ah oui, ouais, un sens critique, c'était un top des films. Non, faut pas parler de ça. Non. Et du coup, on a fait Si vous avez vu ces films, vous n'avez aucun goût. Voilà. Et dedans, il y avait X-Men Origins Wolverine. Et il y avait plein de films que tu nous conseilles. C'est vrai. Genre Taxi, les Yamakasi 1 et 2. Ah ouais. Il y a eu un 2. Ouais, il y a eu un 2. Oh, je vais le voir ça. Il y a Vercingétorix. Vercingétorix, le roi druide. Ouais. Beowulf avec Christophe Lambert. Tous les Highlanders. Bon, bref. Il y a Elfa. Et il y a surtout le dernier film en date que tu voulais nous faire voir, Elfone. Ah oui, il y a Elfone. Il est trop bien, Elfone. Et les cahiers du cinéma, ils ont donné 5 étoiles sur 5. Hein. C'est malade. Hein. Il est trop bien. Ce n'est pas un argument de valeur. Si. En fait, les cahiers du cinéma, c'est un argument de valeur pour tous ceux qui n'ont pas d'argument. Ouais, j'avoue, c'est un peu ça. C'est un peu comme la Bible, en fait. Ouais, ouais. Voilà, j'ai envie de faire un long blanc. Et donc, Deadpool. Il avait déjà été porté à l'écran dans X-Men Origins Wolverine. Wolverine avec Will.i.am et en fait les fans ils vont dire ouais Deadpool il était trop mal fait parce qu'il ressemblait pas au vrai Deadpool et tout. Bon, il lui avait enlevé sa bouche, il avait des espèces de traits bizarres sur le torse et tout, c'était pas Deadpool parce que la particularité du bonhomme c'est que il a conscience d'être un personnage de fiction et donc de briser le quatrième mur. Mais qu'est-ce que c'est le quatrième mur? Qui va expliquer le quatrième mur? Bah toi. Vas-y, je fais tout seul et vous me répondez. Ça. Moi, comme je fais du théâtre, j'aimerais bien l'expliquer. Alors, le quatrième mur, c'est un truc qui a été développé par... Victor, il vient juste de dire, comme je fais du théâtre, j'aimerais bien expliquer. Et tu l'as complètement snobé. Je t'en prie, vas-y. Non, mais je croyais qu'il me disait, je connais pas, je voudrais bien que tu m'expliques. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, mais si tu veux faire... Fermez vos gueules, Victor, vas-y, explique. Vas-y, explique. En gros, au théâtre, il y a 4 murs, donc les 4 murs... les 3 murs qui sont réels, donc les coulisses et le mur de fond, et il y a aussi le mur qui sépare la pièce du public. Et au théâtre, on a la possibilité de le casser, ce qui fait pas un vrai mur, hein, parce que en gros, c'est un mur imaginaire. Et en gros, au théâtre, normalement, on le brise pas jusqu'au théâtre moderne où les acteurs pouvaient attribuer la parole et pouvaient désigner le public et du coup le regarder, le montrer. Et pareil, dans un film. Quand on brise le quatrième mur, c'est un peu refaire ce procédé. En gros, c'est quand le personnage nous parle. Donc, à la manière de Malcolm, de House of Cards et donc de Deadpool, il a la possibilité de savoir qu'il est dans un film. Voilà. Ou d'avoir conscience que le public est là. Oui, ou d'avoir c'est un personnage de fiction. Bah, pas forcément, parce que tu regardes dans House of Cards. Ouais, il sait pas que c'est un personnage de fiction. Ouais, mais ouais, c'est ce que je voulais embrayer sur Deadpool pour dire. Deadpool. Pour dire que c'était aussi un la truc. La piscine morte. La poule morte. Bah non. Chut. Bah non. Bah non. Parce que la poule, c'est français. Oui. Et Deadpool, oui, c'est anglais. Ça s'appelait une blague. Bah non, mais ça marche pas. Oui, non, mais c'est. Bah non. C'est-il bien ou c'est-il tiens? Parce que là, j'ai toujours pas compris. Ouais. Bon, c'est pas grave, vas-y. Et du coup, c'est devenu un personnage sacrément apprécié des fans et de l'internet. Alors qu'en vrai. Ok, il y a un bruit très étrange. au-delà de ce quatrième mur et de cette feature un peu du personnage, ah oui, il est immortel aussi, parce que voilà. C'est son super pouvoir. autant prendre. Pour faire un perso chiant, autant le rendre immortel, tu vois. Comme ça, c'est expédié, on peut vendre plein de BD et faire plein d'argent. En fait, ouais, au-delà de ça, c'est pas. Enfin, moi, c'est un perso que j'apprécie pas trop. Après, un comics Deadpool de temps en temps, ça fait du bien, mais. Bon, c'est pas ce temps, c'est comme. Je sais pas. C'est comme des épisodes des Simpsons, tu vois. Ouais, voilà. Tu sais que c'est là, tu sais que des fois t'en auras besoin, mais tu vas pas tout le temps. Ouais, tu vas pas tous les jours, mais à un moment, tu vois. C'est comme les bars un peu. Tu sais pas trop quoi. Tu sais pas. Non, les bars, non. Non, bah non, attends. Non, pas les bars. Regarde les poivrons là. Non, mais voilà, c'est ça, c'est l'épisode des Simpsons. T'es pas bien, à un moment, tu sais pas trop quoi faire. Tu dis, tiens, je regarde un petit épisode des Simpsons. Tiens, je vais lire un petit comics de Deadpool. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, exactement. Et. Les poules, moi c'est pas grave. La poule elle est morte. Et en fait le Deadpool il est très il a des problèmes de diction. Ouais, ce soir ouais c'est infernal. Ça c'est la boisson. Ouais, c'est donc il est très irrévérencieux, c'est-à-dire qu'il aime bien se moquer de ses petits camarades de type Avengers par exemple, mais là ils peuvent pas parce qu'ils sont pas avec les X-Men. Donc ils utilisent que les X-Men. Et cette critique de Deadpool elle est vachement longue. Bon alors, en gros le film il manque d'argent et tout ça, et les blagues pipi gaga ça va 5 minutes. Donc je disais qu'il avait 5 ans de retard parce qu'en fait ils font des blagues, dire ah, les films de super-héros c'est un peu toujours la même chose quand même, sauf qu'ils font les mêmes cliché que les autres films de super-héros. Donc, voilà. J'aime bien me moquer des gens, mais bon, au bout d'un moment, c'est bon qu'on a compris. C'est beaucoup du fanservice, parce qu'en fait, ouais. Deadpool, il fonctionne qu'à ça. En fait, la communauté internet est fan du personnage de Deadpool, parce que vraiment, c'est ce personnage qui est contre tout, qui est anti-système, anti-capitaliste. Non, anti lui-même en fait, anti Marvel, anti DC, il est anti tout. Ah, c'est pas les couilles de DC. Alors, en fait, Deadpool est un peu à l'image d'Internet et c'est Internet. Oui, c'est Internet qui est une forme de liberté qui permet de critiquer tout, de faire tout ce qu'il veut. Deadpool est une chose qui permet de critiquer. En fait, Deadpool c'est l'Internet de Marvel. Voilà. Mais si j'ai bien compris, oui. Avec ce que vous avez dit tous les deux, t'es en train de dire que Deadpool, c'est le personnage qui se permet de critiquer, mais que le film Deadpool, il ressemble à tous les autres. Oui, il ressemble à tous les autres films de super-héros. Ce film, il sert à quoi ? Il sert à rien, à part faire des sous pour la Fox. Parce que là, il est bien parti pour faire pas mal de bif. Ah bah, il a déjà bien cartonné. Oh, ouais, c'est le meilleur film box-office. Vous m'aviez un peu coupé. Pardon, excusez-moi. Parce que j'étais en train de parler en disant que Deadpool, c'était Internet de Marvel. Hein. Mais oui, Deadpool, c'est un personnage qui était vachement attendu sur Internet parce que justement, il est à leur image. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour eux. Et du coup, il y a tout un... une armée de la fanbase elle était en fleur là. C'était ouais, et puis elle était partout quoi. Ah ouais, la promo ils ont mis du bif et pourtant c'est rare parce que c'est un film rated R. Donc ouais. C'est un film interdit au moins de 17 ans en salle aux États-Unis et pour nous il a écopé seulement d'un moins de 12 et c'était la folie sur 9 sketch. 9 gag. et du coup et je dis beaucoup de fois du coup bordel de merde et il y a plein de studios qui réfléchissent à faire des films rated R maintenant que ça marche du coup on va avoir plein de films violents mais alors il a été jugé parce qu'il est un peu gore et un peu de sexe mais bon il y a un téton et un mec qui s'écrase contre un panneau d'autoroute et un peu de sang voilà quoi, calmos hein, les gars c'est pas non plus est-ce que ça veut dire que si il y a beaucoup de films rated R est-ce qu'on va pouvoir avoir un Spawn alors tu fais bien de me le dire parce que Todd McFarlane le créateur de Spawn a annoncé la semaine dernière qu'il était sorti de sa pièce de 14 mètres carrés où il écrivait pendant un an sans fenêtre sa pièce où il écrivait le scénario de Spawn et qu'il était un an sans fenêtre il a vécu un an sans fenêtre mais je veux dire parce que t'as dit un an sans fenêtre sa pièce oui c'est sûr que c'était pas l'année qui était sans fenêtre ouais. Parce qu'une année n'a pas de fenêtre parce qu'une année en fait ça, c'est pas physique c'est un truc temporel hein. Mais donc il s'est enfermé pendant un an et demi, je crois, dans une pièce sans fenêtre pour écrire le scénario de Spawn et il a terminé la semaine dernière. Ouais, et bien. Il a dit que c'était violent et que c'était un mélange entre un film violent et Paranormal Activity. Du coup, j'ai un peu peur. C'est quoi Spawn ? Spawn, mais. Alors Spawn, c'est une. Vas-y. Alors Spawn, c'est un mec qui. Enfin, c'est... Pourquoi vous laissez Mathias alors qu'il va prendre 3 ans ? Non, mais il connaît. Je connais Spawn. C'est une. Alors c'est un comic pareil, je sais plus c'est qui. C'est Todd McFarlane, c'est le monsieur qui fait McFarlane Toys. Il a rien à voir avec Seth MacFarlane. Et il a rien à voir avec DC ou. Non, lui il est dans un. Non, c'est un autre. C'est Image, je crois, ou c'est. Donc c'est McFarlane, un super héros aussi qui. Bah, en fait, c'est un mec qui est mort, qui s'est fait tuer par son. son patron et du coup il est envoyé aux enfers. Et lui, il veut vivre, et du coup, c'est un cavalier. C'est l'émissaire de, ouais, c'est l'émissaire des enfers. Du diable, quoi. Et du coup, c'est un peu Ghost Rider, mais plus violent. Quoi. Ouais. Okay. Et il y a déjà un film qui a été fait dans les années 90. Voilà. Et il y a une. Surtout, il y a une super série animée que je vous conseille de voir, qui est vraiment bien. Qui est dispo sur YouTube. Qui est dispo sur YouTube. Qui est bien mieux que le film, et qui est super violent. Ouais, parce que le film, laissez tomber. Même si. Il est pas mal, les effets spéciaux, ils sont dégueulasses. Quoi. Ouais, mais ils sont faits par. Ils sont faits par ILM. Ouais, on diverge de ouf. donc voilà, regardez Spawn et Deadpool. En fait, il a conscience d'être le quatrième mur. Du coup, messieurs, on va pouvoir parler du quatrième mur parce que la principale critique que j'ai à faire sur le quatrième mur et sur Deadpool, c'est le fait que. Je pense que ça va être daté très vite. Parce qu'on fait une mauvaise utilisation du quatrième mur. Donc je sais pas votre avis, vous, pour ce qu'on fait actuellement du quatrième mur. Alors actuel, c'est-à-dire depuis Internet, parce que Malcolm et House of Cards, c'est à part. Alors, si vous voulez moins vous marrer, mais avoir un raisonnement plus construit, regardez le Beats d'Arte sur l'ironie. Ouais. Oui. Et regardez Beats d'Arte. Ouais, regardez Beats tout court. Regardez des Beats. 23 points. Bon, bref. Non, parce qu'en fait, il pose la question. Parce que, en fait, c'est une émission qui est sortie en même temps que Deadpool est sorti. Et en fait, il pose la question que, avant, dans les films, on avait l'ironie qui était là pour faire rire, mais elle n'était pas justifiée. Que de plus en plus, dans les films à gros budget, on avait question de cette ironie qu'on brisait le quatrième mur. Et que du coup, l'ironie était totalement, totalement injustifiée et que ça devenait barbant, saoulant. Et le fait, en fait, on n'utilise plus l'ironie pour ce qu'elle est de base, de casser l'histoire. On l'utilise comme un essor comique, mais non. Ouais, voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, justement, en fait, briser le quatrième mur, c'est devenu comme la blague facile. C'est, on ne sait pas quoi faire. En fait... c'est un truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. C'est comme les fous rires dans les sketchs. Vous savez que des fois, dans certains sketchs, les fous rires sont calculés. Par exemple, les Chevaliers du Fiel qui font beaucoup ça, qui disent à ce moment-là, on va rire, parce qu'en fait, la blague n'est pas terrible, mais comme on rigole, et bah, les gens ils vont forcément rigoler comme nous. Et du coup, ça fait rire tout le monde et on regarde le même rythme de blague. Et du coup, je trouve que le quatrième mur, c'est devenu un peu cette chose-là. C'est devenu, on ne sait pas trop quoi faire. Alors du coup, là, il va briser le quatrième mur. Du coup, les gens, ils vont voir quelqu'un s'adresse à eux. Et du coup, ils vont rire et tout. Ah, c'est marrant. Ben après, moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête sur des films ou des séries qui brisent le quatrième mur. Bah, il y en a si il y en a plein. Les Marvel. Ouais, les Marvel, c'est les parce Marvel. Que il y a toutes les vidéos de Cyprien. Non mais je pense qu'on va désespoir. On va étendre cette idée de quatrième mur avec humour méta. Je pense qu'on va le scinder pour pouvoir parler de ça, c'est-à-dire que tu vois dans les films Marvel, genre dans les Gardiens de la Galaxie, il y a ce moment où t'as Star-Lord qui dit il y a un mec qui dit ouais c'est quoi ton nom et tout, et il dit Star-Lord et il sait pas c'est quoi son nom, et genre nous on fait ah c'est marrant parce qu'en fait c'est Star-Lord et il est con, il connaît pas, et ça c'est, tu vois, ça c'est une blague, mais ça s'adresse pour le public, ouais. Et ça casse le rythme parce qu'il y a une tension dans la scène, bah, et tout, c'est ça. Là où je suis pas d'accord, parce que c'est parce que justement on a tous été drôles comme ça pour un public qui n'existait pas, et justement c'est pour ça que Star-Lord je le trouve très intéressant, parce qu'il y a que lui qui est comme ça dans le film. Et je trouve que contrairement à Iron Man, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'y réfléchisse, contrairement à Iron Man et à Thor et à tout ça, ouais, bah, je trouve que cette blague, il marche dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais, parce que c'est, le propos s'y prête. Ouais, parce que ils sont retirés des autres. Ils font un bon dose aussi. Ouais. Iron Man, par exemple, c'est lourd. Ouais, lourd. C'est chiant. Le plus gros exemple, pardon, c'est la blague, spoiler là, vraiment de ouf, si vous n'avez pas vu Iron Man 3. Bip. Mais c'est... Maintenant, vous avez ceux qui ne voulaient pas écouter, c'est la blague du mandarin. Ah oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Et je pense que c'est. Rappelle-la vite, parce que je me souviens. Alors, en gros, c'est pendant une heure et quart de film, on vous fait croire que. Donc, le mandarin, c'est 3, un chinois. Que le mandarin, c'est un terroriste et tout, qui fait peur au monde occidental. Et en fait, on se rend compte que c'est un acteur, et que le mandarin, c'est un fake. Et en fait, c'est juste un Ben Kingsley, vraiment. enfin il a un autre nom, mais c'est Ben Kingsley qui regarde du foot en buvant des bières, tu vois. Et c'est, ça brise totalement la crédibilité du film. Zigoto, quoi. Ouais, bah après, c'est un revirement de situation qui. Ouais, c'est un plot twist, tu vois. Mais je pense que c'est une. Donc, c'est un retournement de situation, le plot twist. Mais je pense que c'est un. Tu vois, c'est l'humour, c'est la blague typique de Marvel Studios. Et je pense que l'essor du film de super-héros, ça a vraiment. Anesthésier tout le monde de l'humour méta parce que ça devient mais relou. Mais après, tu vois, Marvel Studios, ils ont commencé comme ça et après ils continuent comme ça. Tu vois, leur humour n'a pas bougé depuis le premier Marvel Studios qui est sorti, qui a bien marché, qui est Iron Man. Iron Man. Ouais. Et justement, les films qui avaient bien fait, qui étaient beaucoup plus fins d'ailleurs dans l'ironie, c'était Spider-Man de Sam Raimi. Tu vois, l'humour est là, mais pourtant il est très fin, tu vois, il est un peu caché. Genre, c'est un humour qui est. Ouais, mais Sam Raimi sait le faire, tu vois. Sam Raimi sait le faire, c'est moins lourd. C'est du cartoon, mais c'est un art aussi de placer. Il y a ceux qui le placent à la bourrin, vraiment, où là il y a tout un scénario qui est fait. Et là on pourra en mettre, là on pourra en mettre, là on pourra en mettre. Et ceux qui disent, pendant qu'on écrit ce scénario, là il y a ça, on continue, là il y a ça. Il y a ceux qui prennent le truc déjà fini et qui vont placer les trucs pour rajouter des rires, et ceux qui, donc ça fait partie des différents rires c'est qu'on clair, recherche. C'est clair, c'est exactement ça. Là, il y a une manière de le. Oui. Et un truc méta qui m'énerve aussi, qui commence à m'énerver. Alors, pour certains, ça va peut-être faire horreur, mais c'est Stan Lee. L'apparition de Stan Lee à chaque fois. Maintenant, ça me gonfle. Dès qu'il apparaît, je dis ah ouais, c'est cool, c'est Stan Lee. Ouais, honnêtement, ça me fait sortir du film à chaque fois. Ça me fait la même chose quand Hitchcock il ressort dans ses films. La même. Je rigole. Mais moi ça me fait ça. Au bout d'un moment, ça me gonfle. C'est rigolo chercher Hitchcock, mais au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Ouais. Mais après, c'est mon avis personnel. Hein. Je comprends, mais ça reste bon enfant parce que c'est. C'est un peu l'univers Marvel qu'ils n'ont pas réussi à nous mettre dans la tête, en fait, ce truc-là. Bah non, c'est Marvel, c'est une grande famille. On se marre bien. C'est une grande famille, en fait. Le problème, c'est qu'il y a plein de. Mais tu vois, ça marche pas parce c'est que une là. Une fausse famille. Bah ouais, là, il faut. Ouais, parce qu'il y a le problème de droit et tout comme ça. Comme les ch'tis à Mykonos, quoi. Oh là là. Mais tu vois, là, ils nous font Civil War. Et il y a des trucs genre. Saucisse. Et baston d'aéroport. Trop bien. Il y a des aéroports qui se battent. Non, il y a une baston. La baston de fin, elle va être sur l'aéroport, mec. Ça va être la folie. War Machine, il va mourir dans le tarmac et tout. Trop bien. Putain, mais t'es un connard, pourquoi tu spoil. C'est dans la bande-annonce. Et en fait, il y a des trucs trop marrants. Si vous avez vu le trailer 1 qui est sorti, où il y a cette scène où il y a Captain America. Tu vois, c'est trop méta. Genre, ils sont trop. C'est pas possible. Ils sont trop statiques. Ça marche pas. Et maintenant, tout ce qu'ils disent ou quoi, genre la phrase de Tony Stark là, où il dit Captain America, tu étais mon ami, tu vois, ou un truc comme ça. Tu sens que c'est trop méta, tu vois, qu'ils s'embrouillent. Enfin, ça marche pas. Et maintenant, vu qu'ils essayent de faire des trucs sérieux. Leur blague méta, ça a totalement décrédibilisé l'univers entier. C'est super relou. Je suis même pas hypé par les. Mais le pire, c'est que dans le sens contraire, où t'as DC qui reste un peu sérieux, on va dire, dans la façon de faire. Ils sont sérieux à soulever de la fonte. Le problème de Marvel, c'est vraiment que c'est du mass market. Et du coup. Le jeu était fini hein, depuis longtemps. Non, le jeu il commence à chaque fois. On doit placer Mass Market à chaque podcast. Et vraiment, et du coup, ils produisent, c'est vraiment l'exemple parfait de la machine américaine. Mais moi, j'aimerais déplacer un peu le sujet. Alors, je sais pas comment l'orienter, mais sortir un peu de Marvel parce qu'on parle souvent de Marvel et on parle beaucoup de Marvel dans cette émission même. Parlons de DC Comics. Du coup, DC marrant. du coup, juste. Parce qu'il y a les films qui brisent le quatrième mur et il y a le film qui arrive, qui contrairement sont trop sérieux. Et du coup, je prends juste l'exemple de Batman contre Superman. On a tous vu les bandes annonces, mais les super-héros ne nous hypent plus, quoi. La Batmobile de dérapage. Bon, après, peut-être qu'on en parlera un autre jour de tout ça. Je pense qu'on peut exporter le sujet. Je voulais exporter le sujet, mais du coup. Exporter le sujet. Du coup, moi, je trouve que. Il y a un moment, comme tu disais, Kevin, le quatrième mur, des fois, il est brisé pour une. C'est un élément vraiment scénaristique. Je prends tout simplement Malcolm et House of Cards, qui ont la même façon de briser le quatrième mur. C'est le personnage principal des deux œuvres qui parle au spectateur en disant bah regardez ce que je vais faire, ou vous avez vu, ou c'est un témoignage quelque part. Voilà. Mais dans, c'est dans... une télé-réalité un peu. Ouais. pour mettre fait les House of Cards, on a vu. Enfin, quand tu regardes House of Cards, pendant toute la saga, toute la série, tu regardes, et là tu te dis, bah les gens ils l'entendent pas parler avec le spectateur. Juste, ou à un moment, je crois que c'est avec le vice-président, où t'as Kevin Spacey qui parle et t'as le vice-président qui se retourne, il dit, vous avez dit quoi? Tu vois? Il dit non, rien. Ouais, il dit, et il change sa formulation de phrase, mais phonétiquement, ça y ressemble. Et du coup, t'es là et tu te dis, mais est-ce que. Enfin, c'est le seul passage dans la série où tu te dis, est-ce que c'est. Est-ce que les autres personnages ont conscience qu'ils parlent? On se demande qui on est, en fait. Est-ce qu'on est le spectateur ou est-ce qu'on est la conscience du personnage? De toute façon, il y a deux genres de films. Il y a des films qui ont une voix off et il y a une film qui n'en ont pas. La voix off, c'est une manière de briser le quatrième mur parce qu'elle t'explique quelque chose. Donc forcément... Ou non, parce que des fois, la voix off, elle va expliquer quelqu'un dans un flashback ou ça va être quelque chose. Beaucoup plus de genres de films. Pardon. Enfin, tu vois, genre, ce que je veux dire, c'est que la voix off, quand c'est pas justifié, quand c'est juste elle est là pour expliquer, quand c'est un narrateur qui te parle, c'est là pour t'expliquer quelque chose. Bah, le quatrième mur, quand il est brisé à la manière de House of Cards et Malcolm, tu vois, c'est la même chose. Et c'est une voix off comme une autre, c'est juste que le personnage il te parle en vrai, c'est tout. Et là, c'est bien amené, et surtout dans House of Cards où on a besoin de comprendre les choses et des sentiments ou des intentions des personnages. Bah là, c'est génial. Voilà, c'est bien fait. Moi j'avais un double exemple pour ça, c'est Fight Club, parce qu'il y a la voix off et il parle, il s'adresse au spectateur directement, mais ouais, c'est le quatrième mur, ouais, il est utilisé pour interpeller le public et je pense que c'est une manière de le faire rentrer dans le film. Quand c'est utilisé à bon escient, genre dans Malcolm ou quoi, tu vois, Malcolm il t'interpelle toujours à dire, toi aussi t'as vécu ça dans ton enfance, ou tu vois, ils sont toujours là pour te relancer dans l'intrigue, et alors que quand il est mal utilisé, j'ai plus l'impression que ça te fait sortir du film et ça fait dire, ah ouais, moi aussi alors... je connais ça et j'ai la même référence que toi, et du coup je pense que c'est vraiment cette distinction là à faire entre la bonne et la mauvaise utilisation du quatrième mur, ouais. Et du cassage du quatrième. Et moi j'avais un bon exemple français et internet du quatrième mur, c'est normal. Non, c'est alors je suis la bite de quelqu'un qui j'aime sucer la bite, du coup je suis content. Non Victor, arrête. Ouais, il fait un regard super bizarre. Et non, c'est Adrien Méniel. La Ménielade. La Ménielade qui l'a fait pour dans le sketch le mec qu'on n'écoute jamais dans les films. Ah, très bon, j'ai bien aimé. Je sais pas, tout le monde l'a vu. Tu l'as vu ou non, pas Victor, tu l'as pas vu. Voilà. Non. Bah, on te le montrera tout à l'heure. Où justement, ils prennent des scènes de films, donc genre Titanic et tout. Et ils incrustent Méniel. Méniel est incrusté à côté et il dit ah ouais, mais attention, là c'est un iceberg, non? Là c'est. Non, attention, mais les autres qui, dans la scène du film, les autres regardent Leonardo DiCaprio et Kate Blanchett qui roucoulent. Et du coup là c'est justement très méta parce que on sait c'est Titanic, on sait machin, et en même temps c'est drôle et c'est utilisé à bon escient, donc voilà, je sais pas, j'ai jeté ça comme ça, faisant ce que vous voulez. Là c'est comme ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que ça te prolonge, tu vois, dans le film, c'est ce truc là, c'est l'humour méta, mais justement où c'est toi en tant que spectateur qui t'intègre, et c'est pas c'est pas juste on te fait une référence d'un truc pour te dire ah ouais, en fait le film il comprend la même chose que moi, et mais après aussi c'est un renvoi sur la pensée du spectateur quand tu regardes le film. Ça me fait penser justement à la chaîne internet comment ça aurait dû finir, je vous prononce pas en anglais parce que j'oublie le truc. Ah ouais, je l'avais dit. Voilà. Où c'est des films où tout est question de spectateur lambda, enfin, ou quand t'as vu le film, Kidam, justement, le mec qui va ah ouais, gars, qui se dit mais pourquoi dans Le Seigneur des Anneaux on a pas pris les algues dès le début, et ben du coup parce que Gandalf il fait ce qu'il veut. Voilà. Et il y a une raison, je vais pas vous la dire, mais c'est dans les bouquins. On va pas casser un quart d'heure dessus, mais il y a une raison. C'est... Enfin, bref. Ouais, c'est parce qu'il avait pas, en fait ça se chargeait et il a pas fini de se charger dans sa jauge de compétences, et voilà, quoi. Putain. Et du coup voilà, c'est que des questions qui sont mises comme ça et qui sont placées. Mais je reviens sur le quatrième mur. Il y a je voudrais citer un exemple télé qui sont les télé-réalités, quand ils te parlent aux spectateurs, les facecam, le confessionnal. Ouais, je suis en train d'en faire une, non, du coup Du coup, ça m'intéresse qu'on parle de ça. Ah, t'es dans quelle télé-réalité, toi ? Non, je suis en train d'en faire une. Je suis en train d'en réaliser une de sorte de... Jean-Michel Modeste. Je suis en train de faire une télé-réalité. Ouais, je suis le producteur des Anges de la télé-réalité. Non, je suis en train de faire une télé scénarisée, ça s'appelle. Scripted Reality. Où c'est une fiction et quelqu'un vient nous parler en face, ou une télé-réalité, comme vous voulez, les deux, il y a un confessionnal. Et... c'est marrant parce qu'on a, le spectateur a de plus en plus besoin de qu'on lui explique. Qu'on lui explique la chose, ou qu'on lui parle, ou qu'il se sente présent et qu'on l'agrippe quelque part. Parce que le spectateur ne veut plus être spectateur, il veut être quelque acteur. Part. Pas acteur, mais en tout cas, il veut faire partie. Il veut s'impliquer dans l'histoire. Oui, il veut s'impliquer. On veut l'impliquer de plus en plus dans l'histoire. En même temps, tu as aussi l'approche de la réalité augmentée. Donc, je pense qu'ils travaillent de plus en plus dessus sur le fait d'immiscer le spectateur dans la production. Partout maintenant, on a dans les œuvres audiovisuelles. De toute façon, YouTube en lui-même est un briseur du quatrième mur. Quand tu vois aussi que YouTube, ils sortent de plus en plus de vidéos maintenant en 360 degrés. Ouais. Où le spectateur est vraiment dans le vidéo. J'ai repensé au celui de Warcraft. Il y a même des clips qui sont B2O a fait un clip comme ça. B2O. Du coup, c'est marrant. Mort, mon logo. Mais quand je dis que c'est intéressant, c'est que on arrive vraiment à une nouvelle ère. C'est l'ère YouTube. Qui est d'ailleurs un très beau nom de salon de coiffure. YouTuber. Non mais. On peut. Ce qui est super intéressant, c'est le fait que avant le cinéma, c'était juste une surface comme un tableau. C'était pas quelque chose qui t'interpellait, sauf peut-être la Joconde qui te regardait toi, ou enfin tous les tableaux qui regardaient le peintre en train de peindre, ou les autoportraits ou quelque chose. Là, on arrive à que bonjour Bob, à que bonjour Bob, à que coucou Bob. Et du coup maintenant c'est. Si on te parle à toi, et dans tous les films maintenant, j'arrive même pas à savoir Même dans la peinture aussi, on brise le quatrième mur. Tu viens de me faire penser à ça, mais tous ces tableaux, justement, par exemple, je pense à celui de Dali où il se peint en train de se regarder dans le miroir, en train de se peindre, en train de se. Tout ça, c'est cette mise en abyme. Ouais, mise en abyss, James Cameron. On a. Bruce Willis. Ouais, il a tout cassé l'argumentaire de Cameron. Excuse-moi, désolé. C'est pas grave. La vache qui rit. Bon, c'est pas grave. La vache qui rit. On fait un autre blanc si vous voulez. Ouais. Allez. Non, mais j'ai l'impression que. On a toujours. Maintenant, ce que tu disais avec Génération YouTube, on a toujours besoin d'interpeller le spectateur ou de. Donc quand je disais tout à l'heure quand on sait pas quoi faire, ben on rajoute un fou rire. Ça redynamise. Là c'est Génération YouTube, je sais pas. Génération 80, c'est juste. Il est parti en couille. Et non mais on a toujours besoin d'interpeller les spectateurs, soit pour dire ouais tu connais ça, ou le prendre par la main ou l'intégrer pleinement au film. Et du coup, je pense que c'est long. Ouais, c'est toi qui dis ça, putain. Putain, c'est la pire critique que tu peux te faire prendre par Mathias. C'est l'hôpital qui se moque de l'UNICEF, là. Et j'ai l'impression que utiliser à mauvais escient, ça va prendre vraiment les gens pour des imbéciles. Parce que on va être toujours là à dire aux spectateurs genre hey, tu connais ça, tu vois, ça va plus être un dialogue, genre les comédies, ça va être un dialogue de référence entre toi et le film, et on va plus avoir d'humour comme ça, un peu genre des fois de temps en temps, ou pour faire juste intégrer le spectateur, quoi. Mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi la recherche de faire un fan service Oui, mais c'est chiant le fan service. Bah oui, mais ça, les gens ils l'ont pas. Enfin, non, mais tu vois, je vais pas me retirer, genre ouais, moi j'aime pas ça et tout, mais non, mais est-ce que tu vois, ceux qui créent ça, c'est pour favoriser un fan service et du coup en créer un plus gros, et tu vois, c'est une question de bif, tout simplement. Mais le fan service, c'est. Je trouve qu'on s'écarte un peu parce que c'est. Enfin, tout ce qui est quatrième mur, c'est pas pour établir un fan service. Bah, quand tu vois tous les films qui utilisent le quatrième mur en disant hey, regarde, ou t'as vu ça, tu connais, en général, Ça, c'est très Marvel, enfin, c'est des films de super-héros. C'est vraiment pour sortir un truc. Genre, c'est des références. Mais, même pour dire une autre série de super-héros qu'on aime bien et que je vais réussir à caser. Non, tu t'étais. Non, légende de la saucisse. Si. Non. Qui est Legend of Tomorrow. Oh putain. Mais ils font des références quand même, genre. À Batman. Doctor Who. Et dans l'épisode 2, on avait dit oh, regardez, il y a Boba Fett. Et dans l'épisode 3, ils disent tiens, il y a Boba Fett qui ouais, arrive. Ouais, il y a une blague sur Boba donc, Fett. Donc tu te dis bah, ok. Bah, ouais, mais ça, c'est. Ça, c'est une blague, c'est pas. Ouais, non, mais c'est pas une rupture de quatrième. Enfin, si, c'est une quatrième parce que les persos ils disent ah ouais, ils connaissent les mêmes références que moi. Donc, tu vois, ouais. C'est un peu ça, tu vois. Enfin, c'est toujours ce genre de truc où ils disaient ah tiens, t'as vu ça. Du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui recherche du fanservice et dire bah allez-y. Et puis aussi à buzzer quoi, sur avoir des petits tweets fort sympathiques. Et pour conclure, je pense qu'on appuie trop en fait sur ce fan service et ses références. Ça devient vraiment balourd en fait de de mettre d'accord. En fait, c'est pas le balourd le mec dans le livre de la jungle. Oui, j'allais exactement faire la même blague. Ils se sont partagés les. J'ai envie de mourir. Et avant, c'était intelligent comme. Enfin, c'était intelligent. C'était utilisé à bon escient parce que c'était pas appuyé de extrêmement. Et je vais prendre un exemple, c'est Shane Black, donc c'est un scénariste. Shane Black. Okay. Shane le mouton. Du coup, c'est un scénariste et réalisateur américain. Je vous chie dans la bouche. Et il a joué dans Predator aussi. C'est le mec qui fait des blagues de cul bizarres dans Predator, Shane Black. Ah, le mec. Avec son bandana là. Et. Better Call Shane, voilà, je vous emmerde. Et on va revenir à ce film qu'on a parlé dans je sais plus quel pavé où c'est Last Action Hero. Ah putain, j'allais le sortir. Et dans le premier. Et c'est celui qui fait. Donc il utilise plein d'exemples en fait. Il brise carrément le quatrième mur parce que là c'est le cinéma, enfin c'est les persos du film qui rentrent dans la vraie vie. Et ça l'inverse. C'est. Ouais, et l'inverse. Et c'est utilisé, tu vois, à bon escient parce que ça fait jouer le spectateur sur les codes du cinéma et ça fait réfléchir le cinéma sur, est-ce que dans un film est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce que on peut même si on représente la vie est-ce qu'on peut comment on peut briser les règles ou tu vois faire des petits à côté ou genre expliquer bah lui il va faire ça parce que on l'a déjà vu dans tel film et tout et Shane Black il a beaucoup fait ça par exemple il avait été script doctor sur un film, et c'est le dernier exemple, je pense qu'on pourra... Script Doctor, c'est les personnes qui vont aider au scénario. C'est ça ? Ouais, ils vont relire, en fait. Si le studio pense que le scénario est un peu faible, ils vont engager un script doctor qui va gommer un peu, lisser le script et qu'il soit bon pour être tourné. Et donc, il a fait ça sur un film qui s'appelle Monster Squad de Fred Decker. Donc, c'est celui qui a fait Robocop 3, Fred Decker. Et en fait, ce film, c'est un peu les Goonies... Breakfast Club et les monstres universels des années 30-40 et donc Shane Black a participé sur scénario et il fait plein de clins d'œil au film des années 80 style Amblin tu vois Stand by Me les Goonies tout ça mais ils le disent pas clairement par exemple il y a un mec le film il se déroule sur plusieurs jours et il y a tout au long des journées il y a le mec qui donc c'est tous des persos clichés tu vois t'as le héros t'as la fille le loubar et tout et le loubar il a les tenues de tous les loubars de tous les films genre il a la tenue de Johnny Depp dans Cry Baby de on s'en fout. Il a la grand réalisateur, on s'en fout. Mais on oublie souvent. J'ai son nom. Il a une moustache bizarre et tout. Tali. Non. Oh. Staline. Mais non. Ça va, t'as pas dit l'autre. Et bah voilà. Et après, il a le jour suivant, il habille comme le mec dans Breakfast Club avec sa veste en jean et tout ça. Et c'est pas dit clairement, tu vois, c'est pas juste hey, regardez, il est habillé comme le gars du Breakfast Club et tout. C'est juste, on le fait ça parce que c'est un hommage et on joue avec ça parce qu'on a conscience de ça. Et c'est plus intelligent en fait que ça en a l'air. J'ai l'impression qu'on a régressé avec cet humour-là, avec ce quatrième mur et qu'on l'utilise vraiment, comme on disait au début, pour faire de l'humour gratuit et pour juste ah, c'est marrant, internet. Voilà. Juste si tu veux rajouter J'aimerais juste rajouter une chose. Deux choses. En gros, est-ce que le quatrième mur est obligé d'être brisé maintenant pour qu'on s'identifie au personnage? Voilà, c'est juste une question rhétorique. Question pour vous là. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, bah regardez si le mur est brisé, regardez s'il y a une voix off. Et je pense que tout de suite, vous ferez, ça vous aidera aussi à analyser un film et à le comprendre. Parce que à qui elle s'adresse la voix off, ouais. Si ce n'est à nous. C'est ça, parce que... Est-ce que c'est une conscience ou c'est à nous qu'elle s'adresse? Par exemple... Donc là, même une voix off, c'est briser le quatrième mur. Non, non, parce que regarde... Non, regarde. Mais... Oui, bien sûr, mais regarde. Parce que des fois, elle est vraiment virtualisée. Social Network. Tu vois, il y a une voix off, mais en fait, tu découvres à la fin que la voix off, elle est faite parce qu'il parle à son avocat, en fait. Il raconte l'histoire, en gros. Donc la voix off, elle est là, elle est totalement bien faite. Et voilà, du coup, c'est ça, c'est l'immersion. Et regardez s'il y a... S'il y a une voix dans tous les films, on peut regarder si le mur est brisé. Voilà. Et voilà. Et pour terminer, je dirais que. Juste un dernier truc. Oh, on fait le Seigneur des Anneaux, c'est ça? La fin? Juste un dernier truc, je dirais que le mur il est brisé depuis longtemps en Allemagne. À toi, Joe. J'ai envie de faire un blanc d'un an et demi. Ah, c'est parti. Non, juste avant de. Bon, voilà, on a terminé sur les quatrième mur et les bonnes blagues. Et juste avant de se quitter, on va enchaîner sur une troisième partie, mais vraiment courte. C'est un petit jeu. Voilà, oui. C'est assez ludique de terminer sur un petit jeu. Et j'ai envie de rendre hommage. C'est le principe du jeu. Si tu me dis que c'est divertissant, ça va pas être possible. C'était de l'humour. C'était de l'humour méta ou pas? Ouais. Et je voulais rendre hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai déjà cité, mais la Ménielade. J'ai envie de faire un jeu que, on va pas dire qu'il nous l'a piqué, mais qu'on a eu à peu près. On a eu l'idée à peu près au même moment, Raphaël et moi et la Ménielade, voilà. Mais nous, on n'a pas internet pour prouver que c'est nous. Je pense qu'on partage l'esprit de la Ménielade, voilà. Tu vois, on a une connexion avec lui. J'aurais pas cette prétention. En étant modeste. Ah, moi je m'en fous. Mais alors voilà, c'est le jeu des films qui baisent ensemble. Ah oui. Alors, explique donc les règles à Victor, à Qui-Gon Jinn et à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Alors en fait, les jeux qui baisent ensemble, c'est les films qui baisent ensemble. Je vais dire un résumé de film et vous allez devoir. En fait, c'est un mash-up de deux titres de films. Par exemple, Marathon Manhattan. Ou par exemple. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est un mec qui est un robot qui vient du futur. Il revient dans le passé pour retrouver une certaine personne à l'aide de son gros marteau qui obéit. Terminator. Moi, j'avais l'échelle de Rabbi Jacob. Putain, c'est super dur. Alors, j'en ai un, il est un peu nul. C'est le premier que j'ai fait. Alors, je vous le dis quand même. Alors, c'est l'histoire. On commence. Hein. C'est l'histoire de deux princesses qui s'aiment. Mais elles ont un problème, il y en a une qui est narcoleptique et l'autre qui vit avec une sorte de gros animal assez envahissant. Putain. Attends, répète. Alors, c'est l'histoire de deux princesses qui s'aiment, mais elles ont un gros problème, c'est qu'il y en a une qui est narcoleptique et l'autre qui vit avec un gros animal assez envahissant. Ça peut être quoi l'animal assez envahissant? Est-ce qu'on peut te demander des indices ou on doit trouver dans... Non, clairement, celle-là, je vais vous la dire. C'est deux Disney. C'est deux Disney. Ouais, bah, c'est la Reine des Neiges, j'imagine. Non. Alors, il y a La Belle et la Bête. Est-ce qu'il y a La Belle et la Bête? Oui, il y a La Belle. C'est la Belle au... C'est la Bête au Bois Dormant. Non. Non. Il a presque. Ouais. C'est la Belle au Bête Dormant. Non. La Belle au Bois Dormant et la Bête. Non. Vous l'avez, la Bête au Bois Dormant. Je vais le dire parce que c'est trop long. C'est La Belle et la Belle au Bois Dormant. Alors, mon autre. Le deuxième, un employé du magazine Life s'imagine être un héros d'aventure fantastique pour s'évader de sa vie stressante et aider un extraterrestre à se retrouver les siens. Ah, la vie de Walter Mitty, l'extraterrestre. C'est ça. La vie rêvée de Walter Mitty, l'extraterrestre. Okay. Un jeune extraterrestre envoyé sur Terre tente de reconquérir la planète et sauver l'humanité tout en combattant sa maladie contre Alzheimer. Combattant sa maladie d'Alzheimer. Je le répète peut-être. Est-ce que tu peux répéter plus lentement? Oui, bien sûr. Un jeune extraterrestre envoyé sur Terre tente de conquérir la planète et sauver l'humanité tout en combattant sa maladie, tout en combattant la maladie d'Alzheimer. C'est quoi le film qui parle de la maladie d'Alzheimer? Je sais pas, j'ai oublié. Je pense que vous devriez plutôt. Fibourg. Je pense que vous devriez plutôt trouver l'extraterrestre. C'est quoi? C'est La Guerre des Mondes? Non. Moi, ouais, j'avais senti. Néo, c'est Matrix. Alors c'est plus, j'ai recopié le truc Wikipédia. Du coup, c'est conquérir la planète. C'est pas vraiment conquérir la planète. C'est un jeune extraterrestre envoyé sur Terre tente d'essayer de sauver l'humanité avec ses super pouvoirs. Superman. Ouais, mais c'est pas Superman. Supergirl. Super Alzheimer. Pensez plus récent. Man of Steel. C'est ça? Ouais. Mais j'ai pas la suite. C'est quoi le film avec l'Alzheimer? Je sais pas. Mais si, c'est le. Attends, comment est-ce qu'il s'appelle? Non, je l'ai pas. Man of Steel Alice. Ah, ah pas mal. Quand un sous-marin américain coule dans l'Atlantique, l'équipe de recherche et de récupération des USA travaille avec l'équipage d'une plateforme pétrolière au fond de l'océan et ils découvrent le lapin blanc. Alors, Alice? Non, c'est Matrix. C'est Abyss et Matrix. Non. Mabyss? Non, il a le premier. Ouais, il y a Abyss. Abyss. Et lui, il avait le deuxième. Abyss au pays des merveilles. Abyss oui. Au pays des merveilles. Et mon dernier, alors lui, j'ai un peu triché. Ah, il a volé à la Ménélade. Non, j'ai pas volé à la Ménélade, mais il y en a un, c'est pas vraiment un film. Ah. C'est une série? Non. Pour gagner de l'argent, un chômeur décide de réunir une équipe pour faire un grand spectacle de striptease, mais personne n'attend l'inquisition espagnole. The Full Monty... Python. Ouais. Ah. Ah. Ah. C'est marrant. Bah, c'était très bien. T'en voilà. as d'autres? Bah non, parce qu'il faut qu'on coupe un moment, parce qu'on est déjà à 1h17. Alors voilà, c'était la fin de cette version pavée 3.0. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai bien aimé. Ouais. Tweeter en masse. Non, c'est pas moi qu'on pose la question. Tu veux dire combien d'étoiles sur 5 Bah non, on est en train de briser le quatrième mur en ce moment. Alors tweeter en masse, relayez sur les réseaux sociaux, aimez notre page Facebook, faites tout ce que vous voulez, mangez. Sur MySpace pas trop... aussi ou pas? Non. Sur MySpace, si, surtout sur MySpace. Et Mathias est sur Badou. Au revoir. Au revoir. Salut. Et on se revoit la prochaine fois. En avril 2017. Non. Non, on se voit la prochaine fois si Cthulhu n'est pas arrivé sur Terre et portez soin de vous. Et mettez des perruques. Voilà. Et gros bisous. Salut. Ciao. Salut.